Il n'y a personne qui a pensé que peut-être que la dernière vidéo, c'était peut-être une farce. Parce qu'on est le 1er avril, que peut-être moi aussi, des fois, je pouvais faire une joke. Ça me surprend un peu. Mais d'avoir été pris à ce point-là au sérieux, ça me fait de la peine un peu, presque. D'un autre côté, je ne suis pas surpris. Moi, je me suis juste fié à l'image qu'ont fait de moi certains détracteurs. C'est tout. Le pire, c'est que les factures sont réelles. Les factures sont réelles, puis ma facture d'électricité aussi. Il y en a qui me définissent tellement comme un espèce de fou que, OK, on va jouer le jeu. Même j'ai failli dire, ça se peut qu'il arrive un accident au chat. Puis il va être tellement magané qu'il aura pas le choix de lutter. Bon, voyons, franchement, là. Le chat, là, ce que je fais, c'est qu'il sort moins, plus en sécurité, dans le sens que je le laisse pas la nuit dehors. Puis je m'arrange pour qu'il n'y ait plus de bataille, tout simplement. Puis même s'il arrivait quelque chose, je vais payer, voyons. L'affaire, là, c'est que, justement, dans les dernières semaines, il y en a, ils ont fait tellement des portraits, tellement. Je peux même aller jusqu'à dire méchant. Méchant de moi. Bon, ben, coudonc, on va se prêter au jeu, pourquoi pas. L'affaire qui se passe là, en ce moment là, avec Trump, ça, c'est une farce qui est pas drôle. Ça, c'est une farce qui est pas drôle. Ce gars-là, c'est un agent de la haute finance, dans le fond, puis ils sont en train de détruire les économies d'un paquet de pays. Ça n'a aucun sens, cette espèce de grosses larves dégueulasses. Puis je pèse mes mots, là, la vidéo que j'avais mis, qu'on le voit, là, qui est à la WWF, là, puis se garoche sur un autre, puis on le voit à terre, on voit qu'il y a un gros cul de dégueulasse, puis ça fait longtemps de ça. Puis on dirait qu'il y a une couche tellement il est mal fait, ce bonhomme-là. It's amazing. A big and tasty for just a dollar. Juste à y voir les mains, on peut se douter de pourquoi faut qu'il paye, lui. Hein? Parce que c'est proportionnel au reste, c'est normal qu'il paye. Je veux dire, ces gens-là, c'est vraiment du monde, comme Coluche disait, qui sont arrivés premiers dans des concours de circonstances. Tout ce qui a de la valeur, Trump, c'est son nom, c'est tout. Parce qu'avec tous les fiascos qu'il a fait, comme son casino, le Taj Mahal, puis voyons donc. Premièrement, pourquoi donner le nom à un casino, le Taj Mahal? Le Taj Mahal en Inde, ça fait partie de l'architecture moghole, donc ça fait partie de. Dans le fond, c'est un monument musulman. Tu donnes pas ce nom-là à un casino, c'est tout insulté, toute une culture. C'est incroyable comme ces gens-là, c'est des incultes puis des imbéciles, puis c'est vraiment de la merde, je veux dire, c'est de la merde. Regardez la photo avec Kid Rock. Il est supposé s'enlever son couvre-chef, lui, pour entrer à la Maison-Blanche. Il n'y a pas de protocole, il n'y a plus de protocole. C'est quoi ces conneries-là? Avez-vous vu l'allure qu'il a? Il est à côté nonchalamment sur un bureau qui a été donné dans le temps par la reine Victoria. Je veux dire, ces gens-là respectent rien. C'est des incultes puis des imbéciles. Ça veut dire que c'est des créatures. Ça veut dire que c'est des agents. Ça veut dire que c'est des espèces de mercenaires. Puis là, ça veut dire que dans le fond, ils sont là pour détruire. Ils sont là pour détruire son propre pays. C'est vraiment incroyable. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est une espèce de mercenaire de la haute finance qui est là pour endetter de plus en les États-Unis puis détruire leur économie en même temps qu'un paquet d'autres pays. J'espère que c'est ça parce que si c'est involontaire, puis c'est juste parce que ces gens-là improvisent puis sont incompétents, ben c'est encore pire que tout ce qu'on peut imaginer. C'est incroyable. Ça veut dire que les États-Unis sont réellement rendus dans une décadence totale. Juste la porte-parole de la Maison-Blanche, aviez-vous vu l'idiote, la catin, la nounoune? C'est quand même incroyable. Là, il y en a qui se plaignent. Oh, il y en a qui capotent parce que son ordinateur ne marche plus. Je me l'ai fait dire par le technicien que j'ai des affaires qui ont été désinstallées, puis ça a été fait de l'extérieur. Ça a été fait de l'extérieur. Mais ces gens-là, sans le fond, sont tellement incompétents que finalement, on n'a pas trop à s'inquiéter. Enfin, ben franchement, puis comme je vous dis, ce qu'ils sont en train de faire, au fond, ça crée des opportunités, puis c'est tout, là. Il y en a qui vont bien s'en tirer, ceux qui comprennent, qui ont compris, puis qui ont compris ce qui allait arriver avec l'or, ils vont bien s'en tirer. Ça peut pas faire autrement. C'est un peu comme la pandémie, si on peut dire, ça a été un petit peu un test de conscience, mais là, c'est encore plus subtil. C'est encore plus subtil. Mais c'est un vrai envoûtement pareil. Parce que c'est incroyable de voir cette espèce de persistance dans l'erreur de gens qui défendent Trump. Trump qui est allé dire que le français, le Québec, le français, là, ça nuit ça à l'économie des États-Unis. Puis là, il s'est rendu l'ennemi du français. Il veut détruire le français au Québec. Ce gars-là, c'est une vidange totale. C'est une merde intégrale totale. C'est un fond de poubelle total. Il n'y a rien à foutre avec un cave de même. ce bonhomme-là est tellement stupide, je veux dire, c'est vraiment un imbécile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a eu des études qui ont été faites qui démontrent que les gens qui ont des QI très moyens sont plus portés à réussir, justement, parce que peut-être ils réfléchissent moins, puis sont plus frondeurs, puis des fois, ben, ça fait qu'ils arrivent premiers dans des concours de circonstances, tout simplement. Mais Donald Trump, c'est vraiment un imbécile. C'est un gros imbécile, inculte, vulgaire. Je veux dire, il l'a décrit d'en face. Ce gars-là, à 70 ans, payait des prostituées. Puis là, à cette heure, il veut nous faire à croire que le renouveau chrétien, puis là, qu'il est quasiment rendu à se convertir au christianisme, puis les tapochons en France de TV Liberté, ils savent plus sur quel pied danser parce qu'ils ont défendu Trump pendant des années, puis des années. Mais là, ça commence à être contradictoire, là. Ça commence à être sérieusement contradictoire. Je veux dire, regardez Ursula von der Leyen, est-ce que vous le voyez, là, comment c'est une conne? C'est une conne, ça va mal finir tout ça. C'est sûr que ça va mal finir. Là, Zelensky qui se permet de dire, ah, Poutine va mourir, puis là, la berline de Poutine qui passe au feu, qui explose, ben, c'est clair que les Américains, veut pas, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est clair que c'est. Là, on tombe dans de la contradiction totale. C'est clair que ça a pris l'expertise des agentures américaines pour monter une chose comme ça. Donc là, on est dans de la contradiction totale. Il n'y a plus rien qui tient la route. Alexis Cossette-Trudel, il est aussi bien de commencer à tresser sa corde parce que il n'y a plus rien qui va être défendable, il n'y a plus rien qui se tient. Tous ces gens-là, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Au fond, c'est des marionnettes, c'est des exécutants. Ça fait des années que je l'ai dit. Puis ce qu'il y a en arrière, ben, c'est de la haute finance, on peut dire. Donc, ceux qui vont faire, qui va avoir un transfert de richesse, puis ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, ça va être ceux qui vont avoir compris ce qui se passe. Mais les États-Unis, c'est une humiliation totale. C'est une humiliation totale de voir Kid Rock nonchalamment dans le bureau ovale, sur le bureau offert par la reine Victoria dans le temps. C'est une honte, c'est tellement honteux, une espèce de cave qui battait la. Comment qu'elle s'appelait la catin, là? Pamela Anderson. C'est n'importe quoi. Elle a la farce. Moi, dans le fond, je suis drôle à côté. Moi, je me trouve drôle avec mon affaire de minou là, que je voulais monétiser. Vous savez ce qui est le plus drôle? C'est que oui, quand je vais avoir le nombre d'abonnés que je peux monétiser, ben oui, je vais le faire. YouTube me met des pubs que je leur ai rien demandé, puis ils font de l'argent sur mon dos. Voir si je vais me priver. Il n'y en est pas question. C'est mon argent. C'est mon argent. Ce côté-là, il est réel, là. C'est plus une caricature. Je considère que c'est mon argent. Ils n'ont pas d'affaire à faire de l'argent sur mon dos. La vidéo que j'avais faite, que j'ai juste partagée, dans le fond, que j'ai juste pris une vidéo qui existait déjà, que j'ai trouvée sur le site du Dr. Leiby, que je l'ai juste downloadé, je l'ai mis de côté, puis j'ai juste écrit le plan de Macron devant le général machin. Il reste qu'à faire 26 000 vues. Je m'attendais pas à ça, mais ça a l'air que c'est juste parce que j'ai été plus vite sur le piton que d'autres, c'est tout. Il reste que. On a du fun pareil, je vous l'avais dit qu'on aurait du fun pareil, puis tous les gros tapochons qui rient de moi, puis qui inventent n'importe quoi, puis qui colportent toutes sortes de conneries sur mon cas, le voyez-vous que je m'en calisse? Je m'en fous. Mais vraiment, là, vous pouvez pas imaginer à quel point. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Parce que je le sais que au bout du chemin, mon affaire, moi, mes affaires sont déjà prévues jusqu'à un certain point. J'obéis jusqu'à un certain point à un plan, dans le sens que, dépendamment que ça s'en va dans un sens, j'avais prévu agir de telle façon, dépendamment que ça s'en va dans un autre sens, j'ai prévu agir de telle façon. Puis, finalement, je m'en sortirai toujours pareil. Je suis pas inquiet. Là, comme mon problème de téléphone, que l'écran était noir, que je peux rien faire avec, ben, c'est pas compliqué, j'avais pas de service, puis ils m'aidaient pas. Fait que je leur ai fait une critique tellement négative, ceux-là. Le service à la clientèle, ils veulent tellement que je sois content puis de bonne humeur. Ben oui, mais il n'y avait pas moyen de me rejoindre. Ben oui, je peux pas. Ben là, ça s'est mis en branle, là. Ils veulent régler le problème, hein. Ils viennent d'allumer, là. Que, ben, c'est bien dommage, mais c'est un certain poids si je décide que je dis des affaires. que je décide que je m'agent. Voyons là, pourquoi est-ce qu'on, quand on a un petit peu, ne serait-ce qu'un petit grain d'influence, qu'on s'en servirait pas à notre avantage? Faut arrêter d'être des cons. Ce qui nuit au commerce et à la richesse au Québec, c'est pas le français. C'est une espèce de mentalité qu'on a, de gang petit aussi, puis une espèce de moralité, mais mal placée, qui n'est pas ajustée, qui n'est pas intelligente. Donc, faut être un petit peu méchant, une petite affaire. Faut au moins avoir la capacité. Non, si le moment est venu, c'est ce qu'il y a de plus logique à faire, faut au moins avoir la capacité de le faire. Moi, c'est ça que je dis. Mais il reste que les factures du chat sont réelles, mais la facture d'électricité, c'est tout réel. Là, le monde, il me montre comme si moi, je vivais comme dans un état de pauvreté extrême qui n'a pas de bon sens parce que volontairement, je suis une espèce d'asset qui se prive de tout. C'est pas la réalité non plus, là. Faut quand même pas exagérer. Vous l'avez pas compris encore que toutes ces figures-là qu'on a caricaturées puis qu'on a montrées comme des cas épouvantables puis que c'est tout de la merde. En ce moment, un qui m'intéresse beaucoup, c'est Carnegie. Le Carnegie Hall, puis tout, celui qui a, le philanthrope qui a fait qu'il y a eu Carnegie. C'est un Écossais à l'origine. Ben, savez-vous que c'est quand même intéressant? Ce qu'il a fait, je veux dire, juste Collis Potter Huntington. C'est très intéressant. Très, très intéressant comment ce bonhomme-là, de la façon qu'il a agi, puis il s'est servi de la corruption, puis il l'a mis au service du développement de la Californie. Parce que quand il y a eu certaines commissions, puis qu'on lui a reproché des états de corruption devant le Congrès, il a démontré que s'il avait corrompu des gens, puis s'il avait usé de son argent, puis de son influence pour corrompre des gens, c'était parce que justement le système était illogique, puis il y avait plein de blocages, puis ça se développait pas. Puis qu'il l'a mis au service du développement de l'État. Qu'est-ce que je veux dire? Tout n'est pas noir ou tout blanc. Jamais. C'est pour ça que on a tout intérêt à un petit peu être un petit peu plus intelligent que ça. Il y a aussi mon poisson d'avril, je l'ai fait un petit peu aussi pour envoyer une pique. Une pique à certaines personnes, justement, qu'ils pensent que je suis trop imbécile pour me douter d'où ça vient certaines conneries qui circulent. Mais en procédant par élimination, je le sais d'où ça vient exactement. Exactement. Heureusement que je suis pas aussi fou que le monde pense, parce que je viendrais dangereux. Dans le sens que je chercherais à me venger. Mais non, il y a ce qu'on pourrait appeler jusqu'à un certain point une justice providentielle qui fait que des gens idiots à ce point-là, ça peut pas bien finir. Impossible. Donc, j'ai une certaine confiance en mon étoile, si je peux dire. Puis, c'est pas genre comme la chance, ça n'a rien à voir. Mais il reste que on a du fun pareil. Demain, je ferai un exposé sur les îles noires. Puis après, on regardera les autres affaires, les autres villes, genre Woodlock, l'île de Woodlock. Que ça commence à être dans ce que ceux qui ont des problèmes, des douleurs au dos, des choses comme ça commence à être pas mal dans ce qui est de plus fort, de plus intéressant. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Faut que les muscles puis les nerfs se replacent. Je veux dire, comme un nerf, une luxation d'un nerf. Pendant des années, j'ai eu une luxation dans le cou, mais c'est pas suffisant il faut qu'il se replace. Pour ça, ben c'est bien dommage, mais il faut faire de l'exercice, il faut bouger. Puis une des choses qui me surprend le plus, c'est toujours parmi mes détracteurs, c'est toujours des gens de piètre condition physique à première vue. Moi, j'ai cette impression-là. Ils ont pas l'air en santé, puis mais. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais à la fin, ils vont dire, oh, ben là, c'est des attaques sur l'apparence, puis bla, bla, bla, bla, bla. Ben oui, mais un esprit sain dans un corps sain. À un moment donné, il n'y a rien qui endurcit plus qu'un, justement, un certain ascétisme, si on peut dire. Puis ça garde vif. Ça garde vif. L'eau froide raffermit les chairs, c'est bien connu. Hein? Donc, moi, je l'avais dit il y a des années, j'ai dit, vous allez m'haïr. Vous allez m'haïr, puis après, peut-être que vous allez me réaimer. Dans le sens que, ben oui, il va y avoir un clivage névrotique qui est là pour une survie, au fond. il va avoir un clivage névrotique lié à une blessure narcissique, puis là, les gens qui m'aimaient d'une façon disproportionnée peuvent tomber dans l'autre polarité puis se mettre à m'haïr d'une façon disproportionnée. Mais à un moment donné, tout ça se brise. Je peux pas croire qu'avec les années, il n'y en a pas qui vont se rendre compte que, au fond, on grandit tous ensemble pareil. Hein? On verra bien ce qu'il y a au bout du chemin. On n'aura pas le choix de toute façon. À part pour ceux qui tombent en chemin. Mais ça, c'est pas notre problème. Moi, je considère que c'est pas mon problème. On n'a toujours que soi à blâmer jusqu'à un certain point. Hein? Bonne soirée.